déjà faire un tour chez moi. Ah, ewa. Ah, ewa. Ouais. Vanoise. Viens faire un tour chez moi, c'est la porte à côté. Un village mal famé où tout le monde se connaît. Viens faire un tour chez moi, ici y'a le monde entier. Y'a des hauts et des bas, comme dans tous les quartiers. Yo. Générique plan séquence, sur les rues qui défilent. Arrête sur l'image soudain, sur les gens de ma ville. Ouais. Zoom progressif, ouais, les visages s'éclairent. Fondu enchaîné, gros plan serré sur les petits frères. Travelling d'avant, ouais, les minos déchaînent. Plan final, germinal, ouais, ça y est, j'entre en scène. Les gauchons comme des pros, ouais. Les ballons dans le sang. Les petits Zidane des quartiers, ils font germer. Semblant, des bonnes bouilles, mec. Dans tous les bacs à sable, à côté des types qui rouillent, ouais, ouais. Les marchands de sable, tu viens ici le soir pour acheter ton pauvre bout. Viens donc à coup la journée, pas quand les gamins jouent. Qu'est-ce que tu crois ici, la plupart boitent à l'usine. Tout le monde rêve de piscine, être grosse berline. Les roues m'attendent la main, ouais. Au centre commercial, derrière ça fume les joints, ouais. Ça fait tourner la ferraille, accro aux thunes, mec. Comme à la méthadone, les gamins jouent plus au foot et calculent plus personne. Dans les années 80, c'était la belle époque, ouais, ouais. Maintenant ça se tape dessus. Hakuna Hidino Mok, dans mon quartier, mec. 37% de chômage, la cam s'installe tranquille, clair. Elle fait des ravages, les gros durs d'à côté, qui lâchent jamais leur poule. Comme des chats en colère, survivent le dos en boule. Le quartier tout entier survit grâce au shit. Économie number one, du business illicite. Shit. Allez, changeons de sujet, je vais de l'Asie à Tanger. Tous les jours dans ma cité, sans même avoir à voyager. Je me pose des pères à la brasserie du coin, 10h du mat tranquille. Le journal à la main, les vieux turcs boivent leur café en égrenant leur chapelet. Les Français au comptoir, vite vite fait les gobelets. Un clan d'eau derrière moi, en train de fumer une gauloise. Viens faire un tour chez moi, c'est mon quartier, c'est Planoise. Viens faire un tour chez moi, c'est la porte à côté. Un village mal famé, où tout le monde se connaît. Viens faire un tour chez moi, ici y'a le monde entier. Y'a des hauts et des bas, comme dans tous les quartiers. Viens faire un tour chez moi, c'est la porte à côté. Un village mal famé, où tout le monde se connaît. Viens faire un tour chez moi, ici y'a le monde entier. Y'a des hauts et des bas, comme dans tous les quartiers. Le quartier fief de l'échec et de tous les problèmes. C'est clair, me colle à la peau comme une femme que l'on aime. Quand j'aime, je m'engage. Écoute mon rap reportage, narrateur du quotidien. Je suis motivé par la rage. J'ai toujours vécu ici, certains me reconnaîtront. Élèveront les mains pour crier mon prénom. Mon quartier est complexe, y'a tout et son contraire. Mon acte est politique, moi je m'engage sur mes frères. Une vue d'ensemble sur les grands ensembles. Quand tu viens ici pour la première fois, bah tout se ressemble. Les problèmes de banlieue dans tous les reportages. Toujours la parole au crevard, la parole ça me met la rage. On s'en sort jamais, à force de jouer les victimes. Il faut relever la tête pour éviter l'abîme. J'ai mal au cœur de voir les jeunes sans cesse s'abîmer. En accusant la société, sérieux à quoi ça rimait. On n'est pas au Bangladesh, mec, faut pas l'oublier. On a tous les jours à manger, un toit pour coucher. Wesh mec, bah tu vois je fais ce que je peux. Lèche mec, bah parce que je suis heureux. Le soleil brille ce matin, je vais faire un tour dehors. Habillé léger, j'ai confiance en mon sort. Je vais la jouer bronzage total façon quartier nord. Ma peau face douce blanche va tourner rouge encore. Des blocs tout gris constituent mon décor. Mais les gens qui les peuplent sont multicolores. United Colors of Ben Béton. Allez viens je t'offre un kawa, y'a du shabby à la maison. J'adore le café mec, comme le thé à la menthe. Donneur kebab Kardesh, m'a souvent calé le ventre. J'kiffe le kefta, autant que la blanquette de veau. Y'a rien à faire, ça se passe, va dire ça au facho. Viens faire un tour chez moi, c'est la porte à côté. Un village mal famé, où tout le monde se connaît. Viens faire un tour chez moi, ici y'a le monde entier. Y'a des hauts et des bas, comme dans tous les quartiers. Viens faire un tour chez moi, c'est la porte à côté. Un village mal famé, où tout le monde se connaît. Viens faire un tour chez moi, ici y'a le monde entier. Y'a des hauts et des bas, comme dans tous les quartiers. Ouais, les blocs qui nous logent sont des cages à poules. Cloisons papier mon frère, on s'entend tous c'est cool. Mais les uns sur les autres, les gens d'ici sont solidaires. On serre les coudes en fait, quand on partage la misère. Mais la vie n'est pas rose, un mec s'était éteint près de chez moi. Retrouvé tout seul chez lui mort depuis 6 mois. Y'a des coups de mousse à la gorge le soir de Noël. La mort rôde aux alentours et vient mettre son grain de sel. Un jeune innocent tombe d'une balle dans le dos, destiné à un autre. Il succombe à l'osphère. Helmut Kaina frappe ici ou plus loin. La vitesse et l'argent en ont déjà tué plus d'un. Hommage à nos morts, ouais. Tombé pour rien, un encart en fait divers. Et puis après plus rien, fermons la parenthèse, ouais. Tout ça me rend mal à l'aise, ouais. Faut faire la part des choses et dissiper le malaise. Je veux voir du linge aux fenêtres, comme en Italie. Voilà que ça. Les gens oublient leur querelle et comme des frères salis. On est 500 dans mon bac, ça fait du monde au balcon. Rap à tous les étages, tous accros à mon son. On parlera à la fenêtre, comme que killer dans la haine. Je sonorise la cité et hors nous, je mets la haine. Bad boy sur le papier,